إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant la deuxième partie dans la lecture du livre شرح مسائل الجاهلية, c'est-à-dire l'explication des questionnements des gens de la jahiliya. Et juste avant de commencer, et juste un point que notre frère Arnaud m'a indiqué justement à la fin du dars précédent par rapport à l'expansion de l'empire romain. Il m'a expliqué, il m'a montré en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que l'empire romain c'était déjà l'expansion vers les régions de l'Europe, elle avait déjà été faite à l'époque où l'empire romain est devenu chrétien. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les régions de la France, de l'Europe, l'Angleterre avaient déjà été conquises par l'Empire romain quand elle est devenue chrétienne. Et c'est juste que l'imposition de la religion chrétienne par la suite, elle a été faite alors qu'elle était déjà, les régions étaient déjà conquises. Donc c'est juste ce point-là que le frère m'a mentionné, donc Jazakallahu khairan pour ce petit point-là. Puis on va commencer donc à continuer la lecture des paroles du Cheikh Al-Fawzan par rapport à l'introduction du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Masail al-Jahiliya. Le Cheikh il dit: "Wa qad yaqulu ba'd an-nas, ma da'i ila dhikri Masail al-Jahiliya? Ma damat al-Jahiliya qad intahat. Nahnu muslimun wa lillahi al-hamd." Naqul ad-da'i li dhalika al-hazar minha, fa innahu idha 'arafaha talib al-'ilm fa innahu yahzar minha. أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها, فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب, حتى يحذر منها أو حتى يحذر منها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه, ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وهذا من ناحية, والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام, كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Donc le chef explique, il dit que certaines personnes pourraient poser la question: qu'est-ce qui fait qu'on peut mentionner, ou pourquoi on mentionne les questions de la jahiliya à notre époque, étant donné que la jahiliya elle est finie, elle est terminée maintenant, pourquoi parler de ce sujet-là, pourquoi ramener les questions de la jahiliya? Nous sommes musulmans, alhamdulillah, donc pourquoi parler de ces questions-là? Le cheikh il répond, il dit: la raison pour ça, c'est en fait pour qu'on puisse faire attention et prendre garde vis-à-vis de ces questions de la jahiliya. Et lorsque le talib ilm apprend ces questions de la jahiliya, eh bien il est capable par la suite de prendre des précautions et de faire attention vis-à-vis de ces questions-là. Et tandis que lorsqu'il est ignorant de ces choses-là, lorsqu'il ne les connaît pas, il risque de tomber dans ces choubouhats-là que les gens de la jahiliya pourraient lui lancer. Donc le fait de les mentionner, le fait de les étudier pour qu'elles soient connues, dans le but qu'on puisse s'en écarter, et dans le but qu'on puisse justement prendre garde vis-à-vis de ces choubouhats et de ces questionnements. Et comme dit le poète, araftu shar la lishar, j'ai appris le mal, non pas pour le mal lui-même, mais dans le but de l'éviter. Celui qui ne connaît pas le mal, il risque de tomber dedans facilement. Et donc, ça c'est d'un point de vue. Et d'un autre point de vue, lorsque tu connais la jahiliya, ben tu arrives à reconnaître plus facilement le mérite de l'islam et la grandeur de l'islam et la beauté de l'islam. Tandis que quelqu'un qui n'a pas connu justement la jahiliya, ça pourrait être plus compliqué, plus difficile pour elle de comprendre justement la beauté et la grandeur et les mérites de l'islam. Le cheikh il dit, il a mentionné le vers qu'il a mentionné au tout début, que c'est par les choses qui s'opposent qu'on arrive à reconnaître la beauté de quelque chose. Lorsque quelque chose, par exemple, est contraire, on arrive à le définir plus facilement en donnant des exemples opposés par rapport à deux choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a dans le cours précédent, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la chaleur, je te dis, c'est le contraire du froid. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la lumière, je te dis, c'est le contraire des ténèbres. Donc, par les opposés, on arrive à comprendre plus la réalité d'une chose. Et donc, en mentionnant la jahiliya, on arrive à comprendre plus la réalité de qu'est-ce que c'est l'islam et la beauté de l'islam. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة أو أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيه أن يقع فيها لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليها فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعودة الناس إلى الجاهلية فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن يتجنبها ويبتعد عنها أو أن نتجنبها ونبتعد عنها. Le Cheikh explique, il dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a mentionné dans une parole très célèbre qu'il craignait que l'islam allait s'effiler, allait disparaître fil par fil en comparant l'islam à un câble. Il dit, si on compare l'islam à un câble, il dit, je crains que cet islam, elle se défasse fil par fil. Hein, lorsque des gens ils grandissent dans l'islam sans avoir connu préalablement la jahiliya. C'est-à-dire, si on compare par exemple les sahaba, radiallahu anhum, qui ont connu la jahiliya et qui sont entrés dans l'islam, eh bien, ils étaient beaucoup plus forts dans leur islam et dans leur religion que ceux, par exemple, par la suite, qui sont venus parmi les enfants des sahaba qui ont grandi dans l'islam et qui n'ont jamais connu la jahiliya. Hein. Et donc, du fait qu'ils n'ont pas connu la jahiliya, parfois, ils n'ont pas vu toute la grandeur, la beauté de l'islam et le changement de l'islam parce qu'ils sont nés déjà dans la lumière. Hein. Donc, celui qui a vu les ténèbres et qui voit la lumière, il comprend beaucoup plus la différence entre les deux. Tandis que celui qui est né déjà, il voit la lumière tout de suite, eh bien, il ne peut pas toujours savoir comme la valeur de cette lumière-là. Et donc, c'est ça la signification de cette parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et il dit, des hommes ou un individu ignore certains aspects de la jahiliya ou certaines choses qui ont rapport avec la jahiliya, alors c'est plus facile pour lui de tomber dans ces problèmes-là de la jahiliya, dans ces éléments de la jahiliya, parce que le shaytan, lui, il ne les a pas oubliés. Et le shaytan, lui, il n'a pas dormi, hein, même si parfois on a l'impression qu'il nous laisse un répit, hein, il nous laisse un délai, mais il n'oublie pas. Il est toujours prêt, Yanni, pour revenir à l'assaut, pour nous égarer et pour nous inviter à tomber dans ces aspects de la jahiliya. Donc, le shaytan ainsi que ses adeptes et ses fidèles qui invitent à l'égarement, ils continuent toujours à appeler à la jahiliya encore aujourd'hui et à faire revivre des aspects, des différents éléments de la jahiliya, comme les formes de shirk, les formes d'innovation et de bida, les formes de superstition et de khurafat, de faire revivre des traces de qu'est-ce qui restait des peuples précédents parmi les gens qui pratiquaient les formes d'égarement, de shirk et autres. Donc tout ça, le but derrière c'est quoi? C'est de détruire l'islam et de faire revenir parmi les hommes la jahiliya. Donc il est nécessaire de toujours étudier toutes les questions qui ont rapport justement avec la jahiliya dans le but de s'en écarter et de s'en éloigner. قال الشيخ وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. قال رحمه الله فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة أي حصل فساد في الظاهر والباطن فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله. الشيخ الذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب الذكر la plus grande des questions, des dangers de la jahiliya, c'est de ne pas avoir la foi en ce que le messager a amené, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les gens de la jahiliya ont traité de mensonge le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas accepté la guidance qu'il avait amenée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le Cheikh, rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit: et si tu rajoutes à ça le fait de considérer comme ce que les gens de la jahiliya font comme étant quelque chose de bon, hein, tu approuves les choses que les gens font parmi les gens de la jahiliya, eh bien là ça y est, c'est complètement perdu par la suite. Le cheikh il explique ça en disant que si la corruption de ta croyance et de ta foi arrive dans ce que tu as à l'intérieur de ton cœur et dans ce qui est apparent, alors là c'est la corruption de ce qui est intérieur et extérieur. Et donc ça c'est le fait de ne pas croire en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, hein, ça c'est la corruption de ton intérieur. Puis la corruption de ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire du fait que tu approuves et que tu es d'accord avec ce que les gens de la jahiliya font ou pratiquent comme pratiques religieuses et comme croyances religieuses, etc. Donc, lorsque ton intérieur et ton extérieur ont été corrompus, eh bien là, c'est fini. Parce qu'il se peut parfois que certaines personnes soient corrompues extérieurement dans leur pratique ou dans leurs paroles, puis d'autres personnes sont uniquement corrompues dans leur intérieur, par exemple, dans ce qu'ils ont à l'intérieur, mais que ça ne paraisse pas à l'extérieur, comme par exemple les munafiqin, hein, qui sont corrompus intérieurement, mais qui ne le montrent pas, hein, qui montrent l'islam en apparence. Et il y en a d'autres personnes aussi qui, ont un islam, mais dans leur pratique et dans leur compréhension, ils ont des corruptions dedans, un mélange entre des pratiques islamiques et des pratiques de la jahiliya. Mais quand les deux corruptions sont réunies ensemble, hein, extérieur et intérieur, alors là c'est fini, yani, c'est la corruption totale, la perte totale, wal'ayyadu billah. Donc le cheikh il dit فهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية بل يجب إنكاره واستبشاعه أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية واستدل الشيخ بقوله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون آمنوا بالباطل يعني صدقوا الباطل و الباطل ضد الحق وما فما خالف الحق فهو باطل والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Donc le cheikh explique ici, ensuite il dit, et donc ça c'est le résultat de l'ignorance et de ne pas connaître les aspects de la jahiliya. Quand tu les connais pas, tu t'égares et tu les suis. Donc le cheikh il dit c'est pas permis de considérer comme étant bien et d'approuver qu'est-ce que les gens de la jahiliya font. Et il y a des gens aujourd'hui qui parfois approuvent certains aspects de la jahiliya, soit au nom de l'art, au nom de toutes sortes d'autres idées, yani, de la culture, l'art, hein, le fait d'être ouvert, hein, ils vont dire ah ouais, mais il y a des choses dans la jahiliya qui peuvent être bonnes, hein, ils commencent à essayer de philosopher, hein, avec la religion et avec les questions de la jahiliya. Le cheikh il dit c'est obligatoire de condamner et de rejeter tous les aspects de la jahiliya sans exception, hein, et de les trouver, l'aide, et de s'en écarter. Hein. Donc celui qui trouve comme étant, qui considère que quelque chose de la jahiliya est bon, et qu'il veut approuver des choses de la jahiliya, alors lui-même il fait partie des gens de la jahiliya. Et le cheikh, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné le verset 52 dans Surat al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont cru en al-ba'atil, c'est-à-dire qu'est-ce qui est faux, et qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceux-là ce sont les perdants. Ceux-là, ce sont les perdants. Le cheikh, il dit, amanu bil batil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont cru en ce qui est faux, hein, ils ont cru en ce qui est faux, et le faux, c'est le contraire de la vérité. Donc, tout ce qui est contraire à la vérité, c'est faux. Et le batil, c'est qu'est-ce qui est, dans la langue arabe, c'est qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce qui périt, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui n'est pas bénéfique, hein, il n'y a aucun bienfait dedans. C'est ça, al-batil. Et il mentionne le verset 32 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'est-ce qu'il y a d'autre après la vérité, excepté que l'égarement. Donc après la vérité, il n'y a rien d'autre que l'égarement. Donc ça, c'est les explications que le cheikh a données au sujet de l'introduction. Maintenant, le cheikh, maintenant, il mentionne la première question parmi les questions de la jahiliya, et c'est la première shubha, ou le premier point qui est mentionné dans Masail al-Jahiliya, et ça s'intitule Dua al-Awliya al-Salihin, c'est-à-dire le fait d'invoquer les saints et les hommes pieux, hein, de leur offrir des prières, des invocations, de leur demander en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit, al-mas'alatul oula, innahum yata'abbaduna bi-ishraq al-Salihin fi dua illahi wa ibadatihi, yuriduna shafa'atahum inda Allah, lidhannihim anna Allah yuhibbu thalik, wa anna al-Salihin yuhibbunahu. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Donc ça c'est le premier point, hein, ça c'est le texte ou les paroles de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, comme premier questionnement ou comme première shubha par rapport au problème de la jahiliya, il dit que c'est des gens qui ont adoré yani les salihin, ils ont donc fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant ou en implorant les hommes pieux dans leurs adorations. Donc ils font le dua à Allah subhanahu wa ta'ala et ils font le dua aussi et ils offrent leurs adorations aussi à autre que Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant l'intercession de ces hommes pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette attitude-là ou ce comportement-là de leur part. Ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala aime que les gens prennent ces êtres-là comme des intermédiaires entre eux et Allah et qu'il accepte, hein, ou qu'il aime qu'on leur demande, hein, pour se rapprocher à Allah. Parce que ce sont des hommes pieux et donc ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala les aime et à cause de ça que c'est permis de les prendre comme des intermédiaires. Et il mentionne le verset 18 dans Surat Yunus. Le verset 18 dans Surat Yunus qui est l'exemple de ce que font les mouchriquines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et ils adorent en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est leur argument, c'est l'argument des mouchriquines. Et cet argument-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté. Et il mentionne également comme preuve ou comme explication par rapport à ce sujet-là, le verset 3 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont pris en dehors de lui des associés, hein, et des alliés, ils disent, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ça c'est leurs intentions, leur explication, leur shubha par rapport au shirk qu'ils commettent. Puis ensuite, le cheikh il dit, donc ça c'est la plus grande question au sujet de laquelle ils ont contredit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dans laquelle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a contredit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'ikhlas, il est venu avec la pureté et la sincérité dans l'adoration, pour que notre culte, notre adoration soit que pour Allah seul. Il nous a informé que la religion est pour Allah seul, et donc que c'est lui qui a envoyé tous les messagers, et qu'aucune de nos actions ne sera acceptée, excepté si elle est faite avec sincérité et pureté. Allah ne va pas accepter nos actions si elles ne sont pas faites avec ikhlas. Et il nous a informé également que ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ont considéré comme étant bon, parmi le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, c'est quelque chose que si tu le fais, Allah t'interdit le paradis. Et ta destination sera l'enfer. Donc, c'est une question au sujet de laquelle les hommes se sont divisés et qu'on a fait on a tracé la ligne par rapport à cette question-là entre le croyant et le non-croyant, entre le mu'min et le kafir. Cette question vient tracer la ligne entre les deux et vient distinguer entre le croyant et le non-croyant. Et donc, lorsque cette question-là est apparue, et cette division-là est apparue, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour dénoncer ces formes de shirk que les gens pratiquaient à cette époque en faisant ces choses-là, eh bien, l'animosité et la haine est apparue également. Et une fois que l'animosité et la haine est apparue par rapport à ce principe-là et à ce fondement-là de la foi islamique, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a légiféré le principe du djihad dans l'islam pour établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il mentionne dans le verset 39 dans Surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion tout entière soit pour Allah seul. Et le terme fitna, il a été expliqué par les ulama, dans les tafsirs, que le mot fitna dans ce verset signifie en fait le shirk. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'autres choses qui soient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la religion soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est le texte d'introduction par rapport à ce point. Maintenant, on va lire les paroles du Cheikh Al-Fawzan par rapport à ce point-là. Comment il explique ces paroles du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Le Cheikh il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَالْعِبَادَةُ حَقٌّ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْبَدَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَالْجَاهِلِيَّةُ عَكَّسُوا هَذَا الْأَمْرَ فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره والحكم واحد فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا لأن عبادته باطلة والله لا يرضى بالشرك وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit donc que le but de notre existence c'est l'adoration. Et l'adoration c'est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a droit d'en avoir quoi que ce soit de cette adoration-là. C'est un droit qui appartient uniquement à Allah. Il n'est pas permis d'associer quoi que ce soit avec lui. Peu importe qu'est-ce que ça peut être cette chose-là qu'on peut adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de la Jahiliya, ils ont renversé l'affaire, hein, ils ont renversé les choses à l'envers, et ils ont abandonné l'adoration d'Allah pour laquelle ils avaient été créés, et ils ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les idoles, parmi les arbres, parmi les pierres, parmi les djinns, parmi les anges, parmi les awliya, les saints, les hommes pieux, hein, et ils ont يعني détourné leur adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont offert leur adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi eux, il y en a qui n'adorent pas du tout, qui n'adorent pas du tout Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les athées parmi les dahriyas, ceux qui croient que tout est créé par hasard et qu'il n'y a que la nature qui ne fait que se transformer, l'univers n'a pas de début et n'a pas de fin, hein, ils ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc eux ils n'adorent pas Allah du tout, hein, ce qu'on appelle les dahriyas, ou bien les athées ou les déistes aussi, qui n'adorent pas Dieu du tout. Et il y a une autre catégorie, c'est ceux qui, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Et le cheikh, il dit que le jugement à propos de ces deux groupes-là, c'est le même. Le verdict à propos de ces deux groupes-là, c'est le même. C'est-à-dire, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent avec Allah d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui n'adorent pas du tout Allah, leur verdict c'est le même. Leur verdict c'est le même, et ça, beaucoup de musulmans aujourd'hui, parfois ils ont de la difficulté à comprendre ça. Hein, ils pensent que le kafir, c'est seulement celui qui nie l'existence de Dieu, ou qui refuse de reconnaître l'existence de Dieu. Mais que celui qui reconnaît l'existence de Dieu, et qui adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas grave. Hein, ils considèrent que c'est quand même un croyant ou un mu'min. Hein, et ça c'est une mauvaise compréhension, hein, c'est une mauvaise compréhension de la réalité du tawhid et de l'islam. Donc en réalité le cheikh il dit celui qui adore Allah et qui adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il n'avait pas adoré Allah du tout, c'est comme s'il n'avait pas adoré Allah du tout puisqu'il adore d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et son adoration elle est fausse, elle est batil à la base, et donc c'est équivalent qu'il adore, hein, qu'il adore pas Allah subhanahu wa ta'ala du tout, ou bien qu'il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça revient au même, hein, parce que son adoration elle est fausse. Celui par exemple, parmi les chrétiens qui dit, moi je crois en Dieu, je crois en l'existence d'un créateur, puis qui passe sa nuit ou ses journées à se mettre à genoux devant une croix ou devant une image ou une statue d'un saint ou de Jésus ou de Marie, hein, et qui prie à Jésus ou à Marie jour et nuit, hein, au lieu d'adorer Allah seul, alors celui-là, son adoration, même s'il adore, ça vaut rien, ça compte pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera rien de cette adoration-là, parce que son adoration n'est pas pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour quelqu'un qui se dirait musulman et qui adorerait d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les saints, parmi les tombes, parmi les autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah, c'est la même chose. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas, hein, il n'est pas satisfait du shirk. Hein? Et donc ça c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose de très important, chaque musulman doit comprendre ce point là et également en plus de ça ton action, l'action que tu fais dans l'islam, l'adoration que tu fais, elle doit faire partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans la révélation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une adoration ou une action que tu fais dans la religion si elle est basée sur l'innovation, si elle n'a pas de source ou de référence dans les textes. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'action qui est basée sur le shirk et n'accepte pas l'adoration qui est faite basée sur une bid'ah. Et c'est sur ces choses-là que se base la voie de la jahiliya. Les gens de la jahiliya et les affaires de la jahiliya se basent sur deux points fondamentaux, c'est ces deux points-là. Le fait de faire le shirk avec Allah et le fait de créer ou d'inventer des innovations dans la religion. Ça c'est les deux bases parmi les bases de l'égarement chez les gens de la jahiliya. فبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بالإخلاص بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذا فاتحة دعوة الرسل لأن هذه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا فسد الأساس فلا فائدة في الأمور من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما، فلا فائدة من الأعمال الأخرى لأن الشرك يفسدها ويبطلها، le cheikh il explique, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a commencé par ce point-là, parmi les questionnements ou les choubouhats des gens de la Jahiliya. Parce que c'est la plus dangereuse d'entre toutes les questions de la Jahiliya. Et parce que c'est la question avec, par laquelle le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé sa da'wa, et c'est ça qu'il a dénoncé en premier quand il a commencé son travail, sa mission et sa da'wa. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est négligé par plusieurs des groupes de da'wa aujourd'hui qui prétendent travailler pour l'islam. Ils prennent ça comme si c'était quelque chose de secondaire ou quelque chose de futile, hein. Et ça, c'est triste, yani, parce qu'ils négligent la base. Donc, le cheikh, il dit, yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose qu'il a fait, dénoncer le shirk et appeler les gens à abandonner le shirk. Donc, le messager, la première chose qu'il commence à faire, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres messagers également, la première chose qu'ils commencent à faire, c'est d'ordonner aux gens d'avoir l'ikhlas, d'avoir la sincérité et la pureté pour Allah seul dans leurs adorations. Puis, ensuite, d'abandonner l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'ouverture de la da'wa des messagers. C'est la chose par laquelle ils commencent. Et c'est la base sur laquelle tout le reste est établi et tout le reste est basé. Si la base, elle est corrompue, elle n'est pas établie sur le tawhid, alors il n'y a aucun bienfait dans le reste des autres affaires de la religion qui pourraient être appliquées par la suite. Donc le cheikh il dit, si la base elle n'est pas là, si le tawhid il n'est pas là, si l'ikhlas il n'est pas là, eh bien il n'y a aucun bienfait dans le fait de faire la salat, dans le fait de faire le jeûne, dans le fait de faire le hajj, dans le fait de faire la sadaqat, hein, les charités, les aumônes, ou dans les autres actes d'adoration que quelqu'un pourrait faire. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, si la base, elle est corrompue, si le tawhid, il est absent, il n'est pas présent, eh bien, il n'y a aucun bienfait dans les autres actes que quelqu'un pourrait faire parmi les actes de la religion. Parce que le shirk, il détruit complètement les bienfaits qui peuvent exister dans ces choses-là. Le shirk, il détruit complètement le bienfait qui peut exister dans ces choses-là. Et donc, c'est pour cette raison-là que, lorsque vous voyez, par exemple, des individus ou des groupes qui disent, nous, on appelle à l'islam, on appelle à la salat, on appelle à la zakat, on appelle aux jeunes, on appelle à donner de la sadaqat, on appelle à libérer la Palestine, on appelle à X ou à Y, à plein d'autres choses, mais que tu vois qu'ils n'enseignent pas le tawhid aux musulmans et qu'ils ne leur expliquent pas qu'est-ce que c'est le shirk, alors tu leur demandes, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'enseigner aux gens? Qu'est-ce que vous êtes en train d'appeler, hein? Si la base n'est pas là, alors le reste, ça sert à rien. Le reste ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرًا وَمِنْهَا عِبَادَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ كَمَا حَصَلَ لِقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ وَدْ وَسُوَاعَ وَيَهُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرَ عبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله وكذلك كذلك درجات الجاهلية على هذا المنوال فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا يقولون هؤلاء شركاء لله وإنما يقولون إنما هم عباد الله ويتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى ولا يسمون عملهم هذا شركا لأن الشيطان بين لهم أن هذا ليس بالشرك وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين والعبرة ليست بالأسماء العبرة بالحقائق فهذا شرك وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك لأن الأسماء لا تغير الحقائق والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول. Donc il dit que les gens dans la jahiliya ils adoraient Allah hein. C'est pas qu'ils adoraient pas Allah. Hein, il y en a qui pensent que les mouchriquins à la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala du tout. Hein, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur enseigner de croire en Allah et d'adorer Allah. Non, c'est pas correct, c'est faux. Hein. En fait, les gens de la Mecque et les mouchriquins, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que le problème, c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala en même temps. Donc, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et ils adoraient beaucoup de choses aussi. Ils adoraient les hommes pieux et les hommes saints. Hein? Et comme c'est arrivé à l'époque de Nuh alayhi salam, lorsque les gens ont exagéré au sujet des hommes pieux, lorsqu'ils ont commencé à adorer Wad et Suwa et Yarous et Ya'ouf et Nasr, qui étaient cinq parmi les hommes pieux qui existaient, hein, ils ont fait leurs images et ils ont fait leurs statues et tout, et puis après les gens ont commencé à les adorer par la suite, hein, et leur argument c'était quoi? C'était de dire que ces hommes-là c'était des hommes pieux, et étant donné que ce sont des hommes pieux, ils peuvent nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont des intermédiaires entre eux et Allah, hein, c'est entre nous et Allah, c'est ce qu'ils disaient. Donc, c'est ainsi que la jahiliya a commencé à se développer, c'est ainsi que le shirk s'est propagé. Donc, ils adoraient les hommes pieux et les hommes saints et les anges, et ils disaient, on les adore uniquement pour qu'ils nous fassent rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils disaient, ceux-là sont nos intermédiaires et nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disaient pas, ceux-là sont les partenaires d'Allah. Ils ne disaient pas, on est des mouchriquins ou on fait le shirk. Hein. Même aujourd'hui, vous allez voir les gens qui pratiquent le shirk ou qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des hindous ou des chrétiens ou des juifs ou d'autres, vous leur demandez, ils vont pas vous dire, nous on fait le shirk, on est des mouchriquins ou on pratique l'idolâtrie. Ils refusent de dire que ce qu'ils font c'est de l'idolâtrie. Hein. Demandez-leur c'est quoi l'idolâtrie. Vous allez voir qu'ils savent pas. Ils savent pas ce que c'est, puisque justement ils sont en train de le faire et ils veulent pas admettre que ce qu'ils font c'est de l'idolâtrie. Donc le cheikh il dit, il ne disait pas ce sont des associés d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il disait seulement ce sont des serviteurs d'Allah et on les prend comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils intercèdent pour nous, hein, ils font passer à Allah nos prières. On leur offre nos prières et eux ils offrent nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux ils sont soi-disant plus pieux et donc ils peuvent passer directement, tandis que nous on est des pécheurs, hein, comme le cheikh il va l'expliquer après, et puis donc ça c'est une de leurs shubha. Donc ils appellent pas leurs actes shirk, ils disent pas que ce qu'ils font c'est du shirk, hein, parce que le shaitan leur a embelli les actions qu'ils sont en train de commettre pour leur faire croire que ce qu'ils font ce n'est pas du shirk. Ils l'appellent par d'autres noms. Ils disent, on fait le tawassul, hein, on cherche un moyen d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, on prend un moyen vers Allah en passant par les hommes pieux, hein, en cherchant leur intercession et des choses de ce genre. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, l'important de prendre en considération, c'est pas les noms, hein. Les gens peuvent donner à quelque chose qu'ils font le nom qu'ils veulent, mais l'important c'est pas le nom que tu donnes à quelque chose. L'important, c'est la réalité de ce que tu es en train de faire. Donc, si quelqu'un il est en train de se prosterner à une statue, hein, puis il dit, je suis en train de montrer mon respect envers cette statue, et je demande à cette statue de me rapprocher à Allah, et il dit, c'est pas du shirk, nous on dit, la réalité de ce que tu es en train de faire, c'est du shirk, parce que tu te prosternes à une statue, même si tu ne veux pas admettre que c'est du shirk. Hein. Et allez, si vous voulez voir l'exemple de ça, demandez aux chrétiens qui se mettent à genoux devant leur statue pourquoi ils le font et est-ce que c'est pas de l'idolâtrie, et vous allez voir les réponses qu'ils vont vous donner. Donc le cheikh il dit فَهَذَا شِرْكٌ وَإِنْ سَمَّوْهُ تَشَفُعًا وَتَقَرُّبًا. Donc ça c'est du shirk, même s'ils l'appellent, le fait il au lieu de l'appeler shirk, ils disent c'est chercher l'intercession ou c'est de se rapprocher, hein, ou des choses de ce genre. Donc ils veulent pas l'appeler shirk, mais les noms ne changent pas la réalité des choses. Et à notre époque, on est devenus des maîtres, hein, certains sont devenus des maîtres, hein, dans le fait de changer les noms des choses, hein, d'appeler des choses par d'autres que leurs noms, alors pour tromper les gens. Mais le fait de changer les noms des choses, ça ne change pas la réalité des choses. Donc il faut comprendre, il faut pas se laisser tromper par les beaux noms que certaines personnes peuvent donner à certaines choses qu'ils font qui sont haram ou qui sont kufr ou shirk. Donc le cheikh il dit Wallahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans son adoration, et il donne des versets à ce sujet-là, comme le verset 110 dans Surat al-Kahf. Il dit « Quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une bonne œuvre, qu'il pratique une bonne action, une bonne œuvre, et qu'il n'associe rien dans l'association, qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe personne ou rien dans l'adoration de son Seigneur. » Ensuite, il mentionne le verset 2 dans Surat al-Zumar, dans lequel Allah il dit « Et adorez Allah en lui voyant, hein, en l'adorant, avec toute sincérité, mukhlisan lahu ad-din, hein, purifiant pour lui votre adoration, votre religion. » Et il mentionne d'autres versets comme le verset 14 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah il dit, avant ça il dit, et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah en lui voyant un culte pur, en lui voyant une religion pure, une adoration pure. Et le verset 14 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah il dit, et adorez Allah en purifiant pour lui votre religion. Alors, invoquez Allah en purifiant pour lui votre religion. Donc, l'adoration, elle ne sera acceptée que si elle est accompagnée de pureté, et ikhlas, sincérité envers Allah, et elle ne sera acceptée que si elle est faite selon la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فهذه أعظم مسائل الجاهلية وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم كما عليه عباد القبور اليوم تماما. فعبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم هذا هو ما كانت عليه الجاهلية كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Le Cheikh il dit que ça c'est les plus grands égarements, les plus grandes choses que pratiquaient les gens de la Jahiliya, et c'est-à-dire d'adorer les hommes pieux et les hommes saints parmi les morts et les gens qui sont absents. Ils les adorent, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils les appellent au secours lorsqu'ils ont des situations de détresse, et ils cherchent en eux le refuge, ils leur demandent de satisfaire leurs besoins, de répondre à leurs invocations, ainsi de suite. Donc ça c'est exactement ce que pratiquent les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, parmi les musulmans qui vivent dans certains pays musulmans aujourd'hui. Lorsqu'ils adorent les tombeaux et les tombes, ils se rapprochent des morts et ils cherchent à se rapprocher d'eux en leur offrant des invocations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant le refuge et en les appelant au secours lorsqu'ils ont des moments de détresse ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est exactement ce que pratiquaient les gens dans la Jahiliya. C'est exactement ce que les gens pratiquaient dans la Jahiliya. Et il mentionne le verset 18 pour expliquer ou pour justifier ou prouver ce point-là. Il dit, et ils adorent, ils invoquent en dehors d'Allah, ou bien plutôt, ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc, ils les adorent, et ils disent, on sait qu'elles ne peuvent ni nous faire du mal, ni nous faire du bien. C'est Allah seul qui peut faire du bien ou du mal. Nous faire du tort ou du bien, mais on les prend pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, ou pour qu'ils soient nos intermédiaires. Ils transmettent à Allah nos invocations, nos prières. Et ben c'est exactement ça que disent aujourd'hui les gens qui adorent les tombes. Mais on sait que les gens qui sont dans les tombes, les morts, ils ne peuvent pas nous nuire, ils ne peuvent pas nous profiter, mais on les prend comme des intermédiaires, ils leur transmettent nos prières. Exactement les mêmes paroles que les mouchriquines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, كذلك نفس الشيء الآن هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا نحن ما نعبد القبور لأن العبادة لله ولكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة هم يعترفون أن هذا لله وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى فيقولون نحن عباد مذنبون وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا هذا زين لهم هكذا زين لهم الشيطان أو زين لهم الشياطين الإنس والجن هذا الأمر والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية ولم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية donc le cheikh il dit c'est la même chose aujourd'hui comme j'ai expliqué ceux-là aujourd'hui parmi les gens qui adorent les tombes Al-Kuburiyoun, ceux qui adorent les tombes, lorsque tu débats avec eux, tu argumentes avec eux pour leur expliquer que ce qu'ils font c'est du shirk et que c'est incorrect ce qu'ils pratiquent, et que tu leur interdis d'adorer les tombes, ils disent nous ne les adorons pas, hein? Ils disent on n'adore pas les tombes. Ils disent parce que l'adoration est seulement pour Allah, mais on les prend eux comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme des intercesseurs, hein, c'est ça leur argument. Et c'est exactement ça que Allah subhanahu wa ta'ala avait dénoncé ou avait condamné dans les pratiques des gens de la Jahiliyyah. C'est exactement la même chose. Comme le verset 18 dans Surat Yunus, hein, je pense que vous devez tous le connaître, et si vous ne le connaissez pas, il faut le connaître, hein, par cœur. Et c'est le verset qui dit وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah c'est ça leur argument aujourd'hui et c'était ça leur argument dans le passé et le verset qui dit dans Surat Az-Zumar le verset 3 qui dit et ceux qui prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, ils disent, hein, ils prennent des égaux, ils prennent des alliés avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent ceux-là, hein, on les adore uniquement que pour qu'ils nous rapprochent, hein, un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, un peu plus près d'Allah. Donc, ils disent ça c'est leurs excuses, hein. Les mouchriquins, que ce soit maintenant, que ce soit avant, quand ils ont adoré les idoles, quand ils ont adoré les morts, ils ne les ont pas adorés en disant qu'ils étaient des partenaires avec Allah dans la création, ou que c'était des partenaires avec Allah dans le fait de donner la subsistance, ou que c'était des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de faire vivre ou de faire mourir. Hein. Ça, ils sont déjà d'accord que ça c'est Allah seulement qui fait ça. Hein. Il y a plein de versets dans le Coran qui mentionnent ça. « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire que c'est Allah. Hein? Donc ils sont d'accord avec ça. Mais ils te disent, nous on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, nous sommes des serviteurs pécheurs avec beaucoup de péchés. Et ceux-là sont des hommes pieux. Hein? Et ils ont un niveau, un statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on veut, de leur part, qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on veut qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour que Allah accepte notre repentance et notre adoration. C'est ainsi que les shaytan, hein, ou que les shayatin, parmi les hommes et parmi les djinns, ont embelli pour eux ces actions-là qu'ils étaient en train de commettre. Et le shaykh, il dit que ce qui est le plus étonnant en réalité, c'est que ces individus-là, ils lisent le Coran, ils lisent le Coran et ils passent sur ces versets-là qu'on a mentionnés et ils n'y prennent pas attention, hein, ils n'y font aucune attention. Et ça, c'est quelque chose d'étrange, franchement. Hein? C'est quelque chose d'étrange de voir des gens qui lisent le Coran, qui ont le Coran dans leurs mains et qui le récitent, hein, et qui font le contraire de ce qui est écrit dedans. Hein? Donc, ils continuent à adorer les tombes et à faire ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réellement connu ce que pratiquaient les gens de la Jahiliya, et ils n'ont pas connu non plus les aspects, différents aspects de la Jahiliya. C'est ça le résultat de l'ignorance des affaires de la Jahiliya. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد قال الله تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Donc le cheikh il dit ensuite qu'il répète les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et dit c'est ainsi que c'est pour cette grande question là que, hein, dans cette grande question là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a contredit les gens de la Jahiliya. Il est venu avec l'ikhlas, avec la pureté, la sincérité, la pureté dans l'adoration, hein. Et il nous a informé que la religion, hein, que l'ikhlas, c'était la religion avec laquelle Allah avait envoyé tous ses messagers. Tous les messagers d'Allah, sans exception, ont tous été envoyés avec l'ikhlas, avec la pureté, hein, dans l'adoration pour Allah seul. Tous les messagers d'Allah, sans exception. Donc quelqu'un ne peut pas venir, hein, que ce soit un juif ou un chrétien ou autre, et prétendre que le shirk qu'il pratique est justifié par un des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il a une preuve pour le shirk qu'il est en train de commettre. Parce que tous les messagers d'Allah que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, tous les messagers qu'Allah a envoyés ont tous amené à l'ikhlas, ont tous amené cette religion-là. C'est ça la religion d'Allah, il n'y en a pas d'autre. Et le cheikh il dit qu'il ne va pas accepter aucune des œuvres qu'on fait si elle n'est pas accompagnée de, hein, qu'elle n'est pas accompagnée d'ikhlas, ou qu'elle n'est pas faite purement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui accepte ou qui approuve de ce que les mushrikins font parmi les actes de shirk qu'ils commettent, eh bien Allah leur interdit, hein, le paradis, et leur destination sera l'enfer. Donc ça c'est la question au sujet de laquelle les gens se sont divisés entre les hommes, soit qu'ils sont croyants ou soit qu'ils sont mécréants par rapport à leur position au sujet de cette question-là. Et donc c'est au sujet de cette question-là qu'est arrivée la discorde et l'animosité, et c'est pour cette raison-là que Allah a légiféré le djihad, hein, et il mentionne le verset 39 dans Surat Al-Anfal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, et que la religion soit pour Allah tout entier. هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين بين العبد واسطة؟ الله جل وعلا قريب مجيب يسمع ويرى يرحم ويقبل التوبة عن عباده ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء بل أمرنا بدعائه مباشرة فادعوا الله مخلصين له الدين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وأمرنا الله بدعائه مباشرة ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه. Le cheikh il dit, est-ce que Allah a besoin de mettre entre lui et ses serviteurs des intermédiaires ou des intercesseurs? Est-ce qu'il a besoin de ça? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche et il répond à nos invocations, il entend et il voit, il est miséricordieux, et en plus il accepte notre repentance lorsque on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la repentance de ses serviteurs, Et il ne nous a pas ordonné de prendre des intermédiaires, hein, ou des intercesseurs dans l'invocation ou dans le dua. Au contraire, il nous a ordonné dans la révélation de l'invoquer directement et de lui demander directement, sans passer par quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Ghafir, le verset 14, « Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din » Alors invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en purifiant pour lui votre religion. Et il mentionne le verset 60 dans Surah Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, et je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Ceux qui s'enflent d'orgueil, hein, par rapport à mon adoration, ils entreront dans l'enfer humiliés. Ils entreront dans l'enfer humilié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer et de lui faire des prières directement. Il ne nous a pas ordonné, il ne nous a pas commandé de prendre des intermédiaires et de passer par quelqu'un pour arriver à lui. Il n'y a rien entre lui et nous dans les adorations. Donc ça c'est très important. Le cheikh dit « Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » وهي مسألة الشرك لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك وكان صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج يدعوهم إلى التوحيد ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأساس وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم لشيخ الزي et ça c'est la plus grande chose dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a contredit les gens de la jahiliya et c'est la question du shirk parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé aux hommes la première chose par laquelle il a débuté c'est de les inviter au tawhid de les appeler au tawhid et de dénoncer et de condamner le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait aux hommes et il leur disait, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Dites la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, tuflihu. C'est comme ça qu'il commençait sa da'wah. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, on m'a ordonné de combattre les hommes. Hein? On m'a ordonné de combattre les hommes, tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils disent, la ilaha illallah. Hein? On m'a ordonné de combattre tous les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Une fois qu'ils ont dit « La ilaha illallah », ils seront protégés contre moi dans leur sein et dans leur bien. Donc ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était partout, il allait dans la société à l'époque des gens. Il allait dans leur maison, il allait là où ils se réunissaient lors du hajj. Quand tout le monde venait pour le hajj, il profitait de l'occasion pour venir leur parler aux différentes tribus, aux différentes délégations qui venaient pour faire le hajj. Il les appelait, il leur présentait le tawhid, il leur présentait l'islam, il leur expliquait qu'est-ce que c'était son message, qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah. Il les appelait au tawhid. Il allait dans tous les différents lieux. Il est même allé jusqu'à Taif pour inviter les gens à l'islam et les appeler au tawhid et pour appeler à rendre l'adoration uniquement pour Allah seul, hein. Et donc c'était par cette chose-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait débuté sa da'wah. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et donc il dit que toute personne aujourd'hui qui fait partie des du'as, qui invite les gens à l'islam, qui invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il donne à cette chose-là la priorité et l'importance la plus grande. Et qu'ils fassent que leur da'wah soit en premier une da'wah au tawhid, parce que c'est la plus importante de toutes les choses dans leur da'wah. Et il dit ensuite, فَقَدْ أَتَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِخْلَاصِ إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ هذا هو دين الرسل كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه وبقية الإصلاحات تأتي تبعا لذلك للشيخ الزي Donc que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'ikhlas, la pureté dans l'adoration, que notre adoration soit uniquement pour Allah et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes pieux et parmi les saints et les autres choses que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la religion des messagers d'Allah, voilà la religion de tous les messagers d'Allah. Et il mentionne le verset 25 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, hein, que en leur révélant de dire aux gens que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. » C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, alors adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la da'wa de tous les prophètes, de tous les messagers d'Allah. Et c'est par ça qu'ils ont commencé leur da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans Sourate An-Nahl, nous avons fait susciter dans chaque nation un messager. Dans chaque peuple, on a fait venir un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Adorez Allah et écartez-vous du tarot. Ça c'est la même signification que le témoignage quand on dit la ilaha illallah. Hein, d'affirmer et de nier qui est d'affirmer l'adoration à Allah seul et de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le manhaj, c'est la voie de tous les messagers, alayhimu salatu wa salam, et c'est la da'wa à l'adoration d'Allah seul et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite d'appeler à tous les autres aspects qui suivent. Hein, le tawhid parmi les actes, les pratiques islamiques et les bonnes œuvres. Hein. Donc on commence par la base puis ensuite on parle du reste. Wallahu jalla wa ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana khalisan li wajhi. Laysa fihi shirk wa aydan la budda an yakuna al-'amal muwafiqan lima shar'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah la yaqbalu al-'amal alladhi fihi bid'ah. ولا ما كان فيه شرك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصر على الأمر بعبادة الله بل نهى عن الشرك لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لشيخ الذك الله عز وجل إن acceptera les actions que si elles sont faites purement pour son visage et qu'elles ne contiennent aucune forme de shirk et également il n'acceptera pas nos actions si elles ne sont pas faites en accord avec ce qu'il a légiféré comme législation et comme règle. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une action si il y a dans cette action-là une forme d'innovation ou une forme de bid'ah. Hein, et donc il n'accepte pas la bid'ah et il n'accepte pas également l'acte qui contient du shirk. Et il mentionne le verset 110 dans Surat Al-Kahf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque espère la rencontre de son Seigneur alors qu'il fasse une bonne action, amal al-saliha, et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Seigneur dans son adoration. Et donc, ça c'est bien entendu le fait de faire une bonne action, c'est-à-dire que ton action soit en accord avec la sunna, avec la sharia, et de rien associer dans ton adoration pour ton Seigneur, ça c'est l'ikhlas. Hein? Donc les deux conditions sont réunies dans ce verset, et ensuite le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et adorez Allah et n'associez rien avec lui. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas arrêté à dire aux hommes « Adorez Allah, en plus de leur dire adorer Allah, il leur a dit, et n'associez rien avec lui dans l'adoration. Donc c'est pas suffisant juste de dire oui j'adore Allah, mais si tu adores Allah, mais qu'en même temps de l'adorer, tu adores d'autres avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas cette adoration-là, il n'acceptera pas cette pratique que tu fais. Donc ça c'est un point, et ensuite il dit que dans certains versets, même dans la plupart d'entre eux, le kufr, le fait de renier le kufr et de rejeter le tarout, il précède l'ordre de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple dans le verset 256 dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le fait de renier ou de rejeter le tarout avant de mentionner le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ, hein, celui qui rejette le tarout, il le mentionne en premier. Après il dit, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide, hein, qui ne se brise pas. Et donc, c'est pour faire comprendre en fait que celui qui n'a pas renié le tarout, qui n'a pas renié ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors il n'a pas cru en Allah, même s'il prétend croire en Allah. Alors le cheikh dit, وَهَذَا هُوَ مَعْنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَهِيَ مُكَوَّنَةٌ مِنْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ, نفي الشرك وإثبات التوحيد, لا إله إبطال لجميع المعبودات, وإلا الله إثبات لعبادة الله وحده, فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه, ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وفي رواية, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال العلماء, إن العمل لا يقبل إلا بشرطين, الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل, والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا اختل أحد أو أحد الشرطين لم يقبل هذا العمل ولم يكن عملا صالحا. الشيخ يقول que ça c'est la signification de la ilaha illallah. Quand tu dis فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, ça c'est la signification de la ilaha illallah. C'est la même signification. Parce que la ilaha illallah, il est composé de deux parties. Il est composé de la négation et de l'affirmation. La négation du shirk et l'affirmation du tawhid. Donc la ilaha, c'est le fait de rejeter et de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et illallah, c'est l'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et c'est donc la signification de la ilaha illallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas les actions si elles ne sont pas faites purement pour son visage, et il n'acceptera pas une action si elle est faite et que c'est une bid'a ou que c'est en opposition avec la voix du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne les preuves de ça dans les hadiths authentiques qui expliquent ce point-là. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque pratique une chose ou fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle ne sera pas, elle sera rejetée. Cette chose-là sera rejetée. Et quiconque invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, eh bien, elle sera rejetée. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les innovations. Et il mentionne ensuite, hein, il dit que c'est pour ça que les ulama ont dit que l'action, elle ne peut pas être acceptée sauf si elle respecte deux conditions. La première condition, c'est qu'elle soit faite avec pureté et sincérité pour Allah seul. Et la deuxième condition, c'est qu'elle soit faite en accord avec le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si une de ces deux conditions-là n'est pas respectée, hein, alors l'action ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne sera pas considérée comme étant une bonne action. Hein, même si quelqu'un s'imagine que ce qu'il fait c'est une bonne action. Donc ça c'est un point important que beaucoup de gens malheureusement ignorent. Et parfois, yani, à cause de leur ignorance, ils vont faire des choses, ils s'imaginent que c'est des bonnes choses, et en fait c'est des mauvaises. Comme les gens qui pratiquent des bid'ahs, et comme les gens qui font des bonnes œuvres, parfois des choses qui, disons, qui font partie des choses qui sont des bonnes œuvres, mais qui ne les font pas avec ikhlas, qui ne les font pas avec sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les accepter parce qu'ils font du shirk. Hein? Allah ne va pas accepter parce qu'ils commettent du shirk. Et ça, c'est important de le comprendre, surtout à notre époque. Il y a des gens ici qui disent, l'important pour quelqu'un, c'est qu'il soit bon et qu'il fasse du bien, peu importe sa religion. Qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée, un peu importe, il fait du bien et c'est ça l'important. Et il dit, si quelqu'un, par exemple, est croyant et qu'il fait du mal, et qu'il est mécréant et qu'il fait du bien, alors le mécréant, il est mieux que le croyant, parce que pour eux, le fait de faire le bien, hein, c'est plus important que d'être croyant. Et, alhamdoulilah, lorsqu'on a compris le tawhid, on sait tout de suite que cette compréhension-là, elle est incorrecte et qu'elle est fausse. Parce que le plus grand bien, c'est le tawhid. Le plus grand bien, c'est le tawhid. Et donc, même si un croyant, par exemple, quelqu'un qui est sur le tawhid, il fait du mal, hein, ce grand bien-là qui est en lui, il dépasse. Hein, peu importe qu'est-ce qu'il peut faire comme mal, hein, le tawhid qu'il a en lui, c'est le plus grand bien. C'est le plus important, en fait, c'est la base. Tandis que l'autre qui est mouchrik, ou qui est kafir, hein, et qui fait beaucoup de bien, et qui s'éloigne de, soi-disant, des choses de mal, lui, il a le pire mal en lui, le plus grand des maux, il les a en lui. Et ce mal qu'il a en lui, il détruit tout ce qu'il y a de bien. Il fait en sorte que tout ce qu'il peut faire de bien n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'explique ça dans plusieurs versets. C'est pour ça qu'il dit, hein, par exemple, des versets dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On va prendre ce qu'ils avaient fait comme action et on va le faire devenir comme de la poussière éparpillée par le vent. Hein? Et beaucoup d'autres versets comme ça dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ce principe-là. Hein? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. On a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient là avant toi que si tu commets le shirk, on va annuler toutes tes bonnes œuvres, toutes tes actions, et tu seras du nombre des perdants. Et Allah, il dit ça à qui? Il dit ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à tous les autres messagers, que si tu fais le bien, tu fais des hasanat, hein, tu fais tous les biens du monde, hein, mais que tu commets le shirk avec Allah, toutes tes œuvres seront vaines, et que tu vas être parmi les perdants, peu importe la quantité de hasanat que tu as pu faire, peu importe combien de biens tu as pu faire pour les hommes. Donc, si quelqu'un veut que ses œuvres aient une valeur au jour de la résurrection, il doit faire en sorte que son tawhid soit établi, qu'il est à l'ikhlas dans sa foi, dans sa pratique. وَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَى وَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَى أَنَّ مَنْ عَبَدَ مَا يَسْتَحْسِنُهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وَلَمْ يَرْجِعْ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَوْ فِي الْعِبَادَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه ولو خالف الكتاب والسنة وأخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يعني منعه من دخول الجنة مناعا باتا فالتحريم في اللغة المنع فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا لا طمع فيها لا طمع له فيها ومأواه النار هذه عاقبة المشرك هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل وإن كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليه الجنة وجعل النار مأواهم أبد الآباد فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا ولا يبقى على أمور الجاهلية في هذا وغيره. Donc يعني c'est comme j'expliquais يعني par rapport au fait de faire des bonnes œuvres et des choses de ce genre, hein, le plus grand des crimes, le plus grave de tous les péchés, de tous les crimes que quelqu'un peut commettre, c'est le shirk. Et le shirk, c'est plus grave que tuer, c'est plus grave que voler, c'est plus grave que mentir, c'est plus grave que hein, faire le viol, ou yani, peu importe qu'est-ce que quelqu'un peut faire, manger du porc, boire de l'alcool. Le plus grave de tous les crimes, c'est le shirk. Yani c'est le plus laid. Et c'est le seul que Allah subhanahu wa ta'ala va pas pardonner. Inna Allah la yaghfiru. La yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hein? Donc il y a des koufars, ils disent, moi je vole pas, je tue pas, hein, je mens pas, je fais pas de mal à personne. Mais tu commets le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ça c'est le plus grave crime. Il n'y a pas d'autre crime plus grave que celui-là. Et donc celui-là, si tu rencontres Allah avec ce crime-là, eh ben tu seras jamais pardonné. Hein? Et comme le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui a adoré ce qu'il considérait comme étant bon, hein, ce qu'il considérait comme étant correct, hein, il s'imagine que d'adorer les idoles, ou d'adorer les saints, ou d'adorer les arbres, d'adorer les pierres et les tombes, que ça c'est quelque chose de bien, et qu'il ne revient pas dans son adoration au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, et qu'il se base uniquement sur son goût personnel, sur ce qu'il considère lui comme étant quelque chose de bien, et il se base uniquement sur ses désirs ou ses passions, et qu'il compte, et même si c'est en contradiction avec le Coran et la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet qu'il lui interdit l'entrée au paradis. Il lui rend l'interdit, il lui rend l'entrée au paradis haram. Haram pour lui. Rentrer au paradis, c'est haram pour lui. C'est haram pour lui de rentrer au paradis parce qu'il a commis le shirk. Hein? Rentrer au paradis pour le mushrik, c'est haram. Haram. Il ne pourra jamais rentrer. Et sa destination, c'est l'enfer. Et ça, c'est dans le verset 72, dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque fait le shirk avec Allah, Allah va lui interdire, il lui rend haram le Jannah. Haram alayhi al-Jannah. Hein? Haram Allahu alayhi al-Jannah. Allah lui rend le paradis haram. Hein? Et sa destination, c'est l'enfer. Donc, le paradis pour le mushrik, c'est haram. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne le laissera jamais rentrer au paradis, du tout. Il dit jamais. Hein? Et ça, tahrim en arabe, il dit ça veut dire d'empêcher, hein? De stopper, d'empêcher. Donc le mushrik, il est interdit, il est empêché de rentrer au paradis absolu, de façon absolue, il rentrera jamais. Hein? Et il n'aura jamais d'espoir non plus de rentrer au paradis. Et sa destination sera l'enfer. Et donc ça c'est la destinée de celui qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même s'il disait, on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ceux-là, lorsqu'ils meurent dans cet état et qu'ils ne se sont pas repentis avant de mourir, ils ne se sont pas repentis du shirk, alors Allah leur interdit le paradis. Et il fait que leur destination soit l'enfer pour l'éternité. Donc celui qui veut pour lui-même le salut, alors qu'il prenne cela en considération et qu'il ne demeure pas dans les affaires ou dans les pratiques des gens de la djahiliya, hein, dans cet aspect-là ou dans d'autres questions parmi les questions de la djahiliya. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette partie-là, puis on continuera, Inch'Allah, la suite à la prochaine intervention, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakum allahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.